Okay, c'est pas des chiens, c'est pas des animaux. T'en souviens, reportage, oui. Journal de Québec, oui. Ballonné à longue mort. Ça, c'est un extrême. Okay? Mais ça existe, là. Aux États-Unis, il y a un shérif qui s'est du ballonné à longueur d'année. Ah. Mais lui, il trouve pas trop loin. Mais chez nous, c'est 7 régimes spéciaux selon les religions. Mais en plus de tout ça, à la base, là, parce que là, on invoque la religion, là. T'sais, on peut juger les différentes religions, mais je connais pas aucune religion nécessairement qui dit qu'on doit voler, qu'on doit faire de la pédophilie, qu'on doit... Fait que déjà là, quel là, bon point. T'sais, tu vas à l'encontre de ta religion, sauf que rendu en prison, ben là, tout d'un coup, tu veux la pratiquer, là, ouais. À cause de ton alimentation. Ouais. Le gars, qu'importe sa religion, il a tué ou il a violé. Mais là, rendu en dedans, oh, pour faire plaisir à mon Dieu, faut absolument que je mange halal, cachère ou végé. Hey, t'as tué! Si ta religion est si importante que ça, reste dans le droit chemin, t'iras pas en prison. Ouais, gamin, on pourrait-tu répondre à cette personne-là, qu'importe sa religion? Gars, je pense que t'es déjà en amarde comme ça avec ton Dieu, là. Bouddha, Allah, Dieu, appelle-le comme tu veux. Ce que t'as fait pour mériter d'être en dedans, pas mal plus grave. Quand même que tu manges pas halal, cachère ou tout ça, pense à, ben, je pense que t'as d'autres choses, qu'on toi, là. Mm. On va aller au téléphone. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous renseigner sur les CHSLD? Ça ouvre pas. Il n'y a pas moyen de parler à ce monde-là à 8h30, là. On a essayé hier. J'aimerais ça savoir s'il y a des menus comme ça pour les gens honnêtes. Michel, bon matin. Salut, ça va, Sylvain? Yes, je vous écoute. Oui. Ben, j'ai écouté le reportage hier, moi, sur, justement, sur les prisons, là, de la bouffe halal. Puis, où ce que j'ai accroché, c'est que le monsieur nous arrivait avec des chiffres qui étaient très, très précis, là. Si je me trompe pas, c'est environ 1,50$, 1,75$. Par menu qu'il servait. Autrement dit, ça coûtait à peu près la même chose que les autres détenus réguliers. OK? Tout ce qui est le problème, c'est quand il est arrivé pour parler des prisons du Québec, il disait qu'il n'y avait aucun chiffre de disponible. Pourquoi que les prisons du fédéral nous sortent le chiffre sans problème? Celle du Québec, il n'y a aucun chiffre de disponible. On serait-tu en train de se faire crosser un petit peu plus encore? Oui, je suis d'accord. Bien en plus, Michel, moi, quand ils me disent, des fois, ça coûte pas plus cher. Attention, là. À la base, peut-être, si tu fais un menu végétarien pour un bouddhiste, ça te coûtera peut-être sauver de l'argent même par rapport à l'autre qui mange de la viande. Mais c'est toute la tracasserie administrative. Tout okay, le monde non, qui travaille ça, là-dessus. Je suis d'accord avec toi, ça, oui, ils comptent pas ça. Puis même en bout de ligne, quand même que ça serait pas une question d'argent, c'est scandaleux qu'on fasse le cas de volonté comme ça en dedans. Ça a aucun rapport. Ça, je partage ton avis. Sauf que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement, juste du côté Québec, ouais. Si on s'en prend encore en train de s'en faire passer une vite, on devrait peut-être envoyer ça à la commission d'enquête ou une partie, là, tu sais. Merci, Michel, parce que Mathieu Boivin, qui avait enquêté là-dessus, sur la viande halal en dedans, nous disait qu'en bout de ligne, souvent d'abord, là, le scandale, c'est que des fois, elle n'est même pas halal, mais que les producteurs s'arrangent pour charger plus cher. On a sorti ça là, un an, là. Fait que moi, j'aimerais bien voir ces chiffres-là. Sérieusement, je les remets en doute. Mais l'argument monétaire, c'est pas le plus important pour moi. Mais il est là. Tu sais, on a tout le temps de la misère à dire nos opinions de peur de blesser les différentes communautés. Là, on a un message de Zainib. On s'entend que c'est pas du Lac-Saint-Jean? Non. Et quelqu'un qui applique sa religion n'ira pas forcément en prison. Aller jusqu'à exiger un repas respectant sa religion, c'est hypocrite. Il n'y a plus d'accommodement raisonnable rendu là. On traite tout le monde avec dignité, c'est clair, mais il y a des limites. Ben, exact. Regarde, si tu veux vraiment, vraiment respecter le livre, ta foi et ta religion, commence par mener une bonne vie. Ben, exactement. C'est ça. D'habitude, d'assurer. Mais rendu là, 670-9330. Accommodement, donc, déraisonnable encore, c'est dans les prisons. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, ou studio à commercial fm93.com. Et s'il y a des gens qui ont de la parenté ou qui sont dans les CHSLD, on aimerait ça savoir comment ça se passe. Jean, bon matin. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vous écoute. Ça se limite à peu de choses, c'est-à-dire que ma croyance est celle-ci. À partir du moment où on a des droits, peu importe notre religion, et qu'on respecte les règlements, on est en droit de demander des choses. À partir du moment où on ne respecte rien, je vois pas comment on pourrait exiger des choses. Mais tu sais, il invoque la Charte des droits et libertés. Je m'excuse. Le prisonnier, là, quand il est en dedans, il a plus de liberté. Il l'a perdu. Alors, eux autres, ils se disent, on n'a pas le choix. La Charte des droits nous oblige à faire ça. Hey, attends un peu. Non, ben, je vois pas comment on pourrait avoir des droits quand on ne respecte pas les lois. Exactement. Peu importe la religion, toute religion, croyance ou couleur de peau confondue. Mm. C'est tout. Exactement. Parce que là, à un moment donné, on va s'en inventer. Là. On faisait des blagues au début, mais on va commencer à s'en inventer des religions. Là. Moi, je suis le bord de partir la mienne. Principe numéro 1, je paye pas d'impôts. Interdit dans ma religion de payer toute forme de taxes et d'impôts. Je pense que je vais avoir des adhérents. Moi, t'es un gourou. Ça devrait bien aller. Moi, t'es un gourou assez populaire, je pense. Roland, bon matin. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. On devrait les envoyer dans le pays parce que les musulmans, par rapport au Coran, là, quand ils volent, vous savez-tu ce qui leur arrive? Ah, ben oui. Oh, que vous avez un bon point, que j'aime ça. Ouais, tant ils qu'à ça. Ils sont coupés à main. On pourrait lui dire, hey, veux-tu vraiment jouer by the book, là, en demandant du halal, etc. On va sortir ton livre, là, puis on va appliquer exactement à la lettre ce qu'il y a dans ton, dans ta religion. Puis ceux qui tuent, en général, ils se font tuer, ça, ils se font prendre, ils se font tuer sur la place publique. C'est pas dans, et ça, c'est vrai qu'il y a certains pays musulmans extrêmes où ça va jusque-là. Alors, s'ils veulent jouer, c'est pas tout le monde, mais s'ils veulent jouer le jeu pointilleux, by the book, on pourrait aller jusque-là. Mais juste voler seulement, ils se font couper la main. Merci. À cause qu'on n'envoie pas là, là, ça serait vraiment le Coran, là. Merci, Roland. Ouais, on pourrait dire ça. Écoute, ben, là, si toi, tu veux vraiment, vraiment, mettons, on pogne un musulman voleur. Tu veux vraiment manger à l'Alpe, là, t'invoques tout le gars ce qu'on fait. On t'embarque sur un bateau, on va t'envoyer en Arabie Saoudite avec une belle étiquette. Ça va être écrit voleur. Va te promener dans la rue. C'est ça, mais inquiète-toi pas, tu vas manger à l'Alpe. C'est ça que tu veux? Manger à l'Alpe, c'est important. Va-t'en avec une pancarte voleur là-bas. Il va dire, je pense, moi, rester au Québec, puis je vais bouffer de ta viande. Ça, tu vas prendre du bacon déjeuner. Ah ouais, moi, du porc, puis du bacon, puis du gras de lard, puis du, ah ouais, go, puis des fèves au lard. Je pense pas qu'il va, un ragoût de pâte de cochon. Go! On est tellement gentils. On a tellement peur. Ça donne tellement c'est révélateur de toute la peur qu'on a de ces gens-là, d'être pas fins. Même en dedans, même ceux qui ont commis des crimes. Imagine-toi, on se met à genoux. Et qu'on est complexé. Oui, on est une société qui est pas fière, qui a peur de s'affirmer, qui est exactement. Puis on voit arriver la culture des autres, puis on fléchit. Puis un petit dernier rappel, Jessica veut nous parler. Bon matin. Oui, bonjour. Je vous écoute. Ça va bien? Oui. Yes. Oui, bon, ben c'est ça. Moi, j'ai pas travaillé directement dans un CHSLD, mais j'ai travaillé en milieu hospitalier comme préposé aux bénéficiaires. J'imagine que ça doit être un peu le même principe. Je vous dirais qu'en centre hospitalier, pour ce qui est des religions, je suis pas trop certaine, mais je sais qu'il y a certaines choses. Exemple, si on est végétarien, on a le droit de demander ce que notre repas soit végétarien. Vous avez même le droit de demander si vous voulez avoir de la liqueur, toutes des petites choses comme ça, si vous voulez. Comprenez-vous, tu sais, il y a plein de petits détails comme ça. Au niveau de la religion, je suis pas sûre, par exemple. Ouais, mais j'aimerais ça comparer si le traitement des gens dans les CHSLD ou les hôpitaux, pour des gens qui sont honnêtes, religieux et honnêtes, est le même que pour ce qui est de ceux qui sont religieux et malhonnêtes. Mais les hôpitaux vont ouvrir, les bureaux vont ouvrir, on va essayer de se renseigner. Vous dites qu'il y a peut-être du végétarien, ça c'est tel que tel, mais encore là, végétarien, c'est pas une religion, là. C'est plus, non, pour certains, non, ça le devient. Encore, jusqu'à pousser la limite, là, moi, je me souviens que quand je travaillais en centre hospitalier, là, les personnes, moi, j'ai travaillé beaucoup en soins palliatifs, là, et puis, les gens, là, même, ils doivent fournir bien souvent, là, leur clinique, des choses comme ça, il me semble, tu sais, c'est des affaires de base, là, tu sais. Je suis sûre que, comme en prison, là, c'est tout fourni, ces affaires-là, là. Ouais, vous avez raison. Merci, Jessica. Merci. On va aller jaser avec Julie. Julie, bon matin. Oui, bonjour. Je vous écoute. Ben en fait, moi, c'est juste pour répondre à votre question. En fait, je travaille dans un CHSLD dans la région de Québec. Oui. On sert ce que les gens demandent. En fait, s'il y en a qui veulent manger végé, on leur sert végé. S'il y en a qui veulent manger... Halal. Ben, halal, ça, j'en ai pas, donc je peux pas parler. Mais en fait, comme quelqu'un, exemple, qui est intolérant au gluten, c'est la famille qui paye. Le centre ne ferait pas là, pour la nourriture sans gluten. Oh. Ah, ça, donc, c'est intéressant, ça. J'imagine que pour le halal, comme ça... Attends un petit peu, Julie. Ça, je trouve ça intéressant comme comparaison. Si quelqu'un, un honnête citoyen, est malade et allergique au gluten dans un CHSLD, évidemment qu'on va le servir adéquatement, mais il y a un supplément, il va falloir qu'il paye. Ben, c'est la famille, en fait, qui... la famille qui ou lui. Ça, c'est une question de santé, là. C'est pas une question de croyance. Ouais. Question de vie ou de mort, un citoyen honnête doit payer pour pas manger de gluten à l'hôpital, mais le prisonnier qui a tué, qui est en dedans, puis qui veut manger halal, ça y coûte pas une scène, puis on y fournit ça. Fait que le parallèle est intéressant à faire entre les deux milieux, là. Et merci beaucoup, Julie. Merci, bonne journée. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu vois, elle travaille là-dedans. Ta grand-mère ou tes parents allergiques au gluten. Ça serait l'inverse, là. Quand c'est une question de santé, on paye. Tu sais, la société en général. Sauf que quand c'est une question de croyance, de religion, ben c'est la personne même qui paye pour ses croyances. Dans un centre de formation professionnelle à Québec, l'année passée, mois de septembre, notre dossier, la fille qui est allergique aux framboises. Aux framboises, exact. Framboises, a su un cours de cuisine, est allergique aux framboises, ça passe pas. Il y a une musulmane à côté. Elle la demande pas de dessert, pas de framboise, puis on l'accommode. Ah oui, c'est beau, toi, pas besoin de faire le dessert, toi, inquiète-toi pas, là, fais d'autres choses en attendant, t'es musulmane, on comprend ça. Elle, ça a été tout, ça? Hey, arrange-toi. Elle avait dénoncé ça sur nos ongles, ben t'en souviens? Ben oui. On est rendu là, 7h54, on finit avec Jérôme. Jérôme, bon matin. Bon matin, moi, je considère que la prison, au départ, c'est une privation de droit. comme ces parties-là, la société est en train de faire de la prison un party. Puis les pauvres cols rouges, comme vous les appelez, sont en train de payer pour le party qui se passe en prison pendant qu'eux autres seront étouffés par les taxes, les ci, les ça. Puis ça, c'est pas un droit, c'est une obligation de payer des taxes, c'est une obligation de payer sur l'essence, de payer les immatriculations de char pendant que nos petits messieurs qui ont brimé les droits justement de ces honnêtes citoyens-là, eux autres font le party en dedans. Ça me lève le cœur. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Exactement. Il y a plein de choses. Je comprends pas qu'on les accommode là-dessus. T'es en dedans, là. C'est sûr que t'es privé de plein de choses, là. Le raélien qui se fait pogner en dedans puis exige à chaque soir d'avoir deux raéliennes dans son lit parce que lui, c'est dans sa religion puis il aime ça. Ils vont-tu l'accommoder? Si oui, on va virer raélien de la gang, là. Tu sais, avant d'aller en dedans, on va s'arranger. Tu sais, il y en a que c'est comme ça, puis on voit souvent le Raël avec deux, trois femmes. Hein? Et est-ce qu'il y a un raélien qui se fait poigner? « Ah, moi, c'est dans ma religion. Accommodez-moi! » C'est aussi niaiseux que ça. Je sais que c'est pas sur de la bouffe, mais tant qu'à ça, 7h55. Écrivez-nous studio@commercialfm93.com si vous avez de quoi ajouter. Ça va la pause.